Depuis son décollage en 2001, le transporteur sud-africain a fait souffler un vent de fraîcheur dans l'espace aérien du pays et de la vie de ceux qui ont pu voyager à bord de ses avions verts. Les annonces fantaisistes de ses équipages sont devenues la marque de fabrique de cette compagnie à bas coût. Dans le florilège des annonces censées dérider les passagers, on retiendra d'abord celle-ci. Mesdames, messieurs, bienvenue au Cap. Vous pourrez quitter l'appareil dans quelques instants, sauf le beau mec du siège 13A qui est invité à rester. Cette annonce d'une hôtesse après un atterrissage a permis à tous les passagers curieux de constater qu'il n'y a pas de rang 13 dans les avions de Kulula. Dans le même registre, on retiendra enfin celle-ci. La compagnie Kulula est heureuse de vous annoncer que nous employons les meilleures hôtesses et stewards du secteur. Malheureusement, aucun d'entre eux n'est à bord de ce vol. Objectif de cette politique commerciale décalée, s'imposer sur un marché très difficile pour ce transporteur qui assure avoir commencé son activité avec un petit budget. Pour réussir dans cet environnement très concurrentiel, Kulula ne pouvait effectivement pas miser uniquement sur le prix des billets, d'autant que South African, la grande compagnie sud-africaine, avait déjà réduit ses tarifs sur le marché intérieur pour justement écarter d'éventuels concurrents, en particulier les compagnies à bas coût. Pour les fondateurs de Kulula, il fallait donc innover pour se faire une place sur ce marché. Et selon la responsable marketing de la compagnie, l'idée de départ était de faire simple pour attirer un nouveau public avec un slogan « Maintenant, tout le monde peut voler », mais aussi un nom, Kulula, qui en Zoulou signifie « C'est facile ». Il fallait aussi rompre avec le rituel classique des voyages en avion en pariant sur l'humour pour une atmosphère plus détendue, capable de faire oublier les services payants à bord. Pari réussi, puisqu'en 10 ans, Kulula est devenue la deuxième compagnie sud-africaine. Elle revendique 20% du marché intérieur, avec plus de 2 millions de passagers transportés l'an dernier. Mais selon le directeur général de l'agence de publicité Yellowwood, Kulula doit elle aussi faire face à la hausse des prix du carburant et des taxes aéroportuaires, au moment où Comair, sa maison mère, vient de publier les premières pertes de son histoire. Dans ces conditions, il lui sera difficile de garder le sens de l'humour.